إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد notre aujourd'hui inshallah ce qu'on va faire va écouter quelques passages des citations de d'une femme qui a parlé à la radio la semaine passée et la semaine d'avant au sujet de la charia. On sait qu'il y a eu beaucoup de questionnements ou de débats, de polémiques à Montréal au sujet du tribunal islamique ici au Canada, parce que chaque musulman fait la demande qu'il y ait un tribunal islamique pour régler les questions de divorce et de mariage entre les musulmans et pour qu'il y ait un arbitrage basé sur l'islam. Alhamdulillah, je ne pense pas qu'aucun musulman aurait été en désaccord avec ça ou aurait été contre ça yani, d'une certaine façon, à moins qu'il y ait des raisons pour les justifier qui sont yani, islamiques. Toutefois, il y a eu des oppositions de certains groupes, de certaines groupes musulmanes et qui ont des tendances laïques. Yani. Donc, ils ont opposé non seulement ces tribunaux-là au Canada, mais ils ont opposé yani, la charia au complet. Yani. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire une conférence sur ce sujet-là pour rappeler aux frères la position de la charia dans l'islam, qu'est-ce que ça signifie, et puis yani, que c'est une condition dans la foi d'un musulman, c'est d'accepter la charia. Et donc, il faut savoir en réalité, moi, le but ou le point dont je veux discuter aujourd'hui, c'est pas vraiment la question des tribunaux musulmans ici au Canada, mais c'est surtout le plan de la relation qui existe entre la charia et l'aqida, c'est-à-dire la foi d'un musulman. Et puis de certains passages donc, de certains sujets dont il a parlé, qui se rapporte à la croyance islamique. Et donc, on va commencer, Inch'Allah, par expliquer certaines de ses idées qu'elle a exprimées durant des émissions. Une des émissions, c'était à Indicatif présent, à Radio-Canada, le matin. Et l'autre émission, c'était aussi à Radio-Canada, mais à l'émission d'un autre animateur qui s'appelle Joël Leblou, qui passe la fin de semaine. Donc, vous allez écouter ses propos. Et puis après chaque citation, on va faire des commentaires. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc, nous allons commencer avec la première citation de Fatima Boudapeba. Et la première citation concerne le sujet de la charia. Première citation. Personnellement, je trouverais que ça serait extrêmement grave que l'on applique la charia au Canada, parce que la charia est un système de droit complet. C'est comme superposer un système juridique à côté du système juridique canadien qui s'applique à tous les citoyens. est un corpus juridique duquel découlent des codes juridiques, notamment des codes de la famille, qui ont pour effet l'infériorisation du statut de la femme. Et je ne peux pas accepter comme femme, puisque vous m'interpellez aussi à ce titre-là, que un segment de la population québécoise et canadienne ne puisse pas bénéficier des mêmes droits et avoir accès aux mêmes privilèges et aux mêmes droits et responsabilités que les autres citoyens. Ils veulent les soustraire aux lois canadiennes pour les placer sous un régime que je considère, moi, étant musulmane moi-même, comme un système rétrograde par rapport aux acquis que les femmes et que la société québécoise et canadienne a réussi à avoir depuis les 50 dernières années. Il y a eu une évolution considérable. Alors, imaginez que dans ces pays-là, depuis des décades, des femmes se battent contre la discrimination qui leur est imposée au nom de la charia. Il y a fort heureusement des pays musulmans qui ont décidé de modifier la charia dans le sens de l'équité. La Turquie, la Tunisie, dernièrement le Maroc, qui a aboli un certain nombre de dispositions complètement rétrogrades. Si leur agenda passe au Canada, ça va avoir des répercussions énormes dans les pays musulmans, justement, où ces femmes et ces démocrates se battent pour la démocratie et pour l'égalité. Parce qu'on va leur dire, regardez, le Canada, le pays de la démocratie, le pays de la Charte des droits, a accepté l'application de la charia. Pourquoi vous vous battez contre cela? Donc, vous n'êtes pas des bons musulmans. C'est leur discours. Et quand on veut imposer, soi-disant, la souveraineté de Dieu sur la souveraineté des hommes, parce que c'est de ça qu'il est question, je dis non. Oui. Très important à clarifier à ce sujet. Premièrement, les gens qui disent le mot charia, beaucoup parmi les gens qui le disent, le mot, ils ne comprennent pas réellement qu'est-ce que ça signifie la charia. Donc, la vérité, c'est que le mot charia vient d'un mot arabe qui signifie un cours d'eau. C'est un cours d'eau où les gens vont s'abreuver. Okay? C'est de là que ça vient, dans la langue arabe classique, le mot charia. Et il a été aussi utilisé pour désigner même un chemin ou une voie droite. C'est pour ça qu'en arabe, quand on veut dire la rue, on dit charia. Donc ça veut dire la rue. C'est la même racine que le mot charia. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis ensuite nous t'avons mis, ya Muhammad, sur la voie de l'ordre. Alors suis-la. Et ne suis pas les passions ou les désirs de ceux qui ne savent pas. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, il nous ordonne de suivre cette voie qu'il a révélée à ses messagers. Donc en fait, la charia, même si plusieurs personnes pensent, lorsqu'ils pensent au mot charia, ils pensent aux punitions et aux règles de la famille ou des choses de ce genre, alors qu'en réalité, la charia, ça a un sens beaucoup plus large. Ça implique en fait l'islam en entier. La charia, c'est pas seulement les punitions ou les règles de punition, mais c'est l'islam au complet. Ça englobe les règles de la foi, l'aqaïd, ça englobe l'ibadat, les pratiques religieuses comme la prière, le jeûne, le hajj, hein, et ça englobe les autres règles comme al-mu'amala, comme le mariage, le divorce, le commerce, l'héritage, les punitions, le djihad et tous les autres aspects de l'islam. Donc la charia, c'est l'islam en entier. Et c'est donc impossible de croire qu'on peut être musulman sans accepter la charia en entier. La charia, elle est tirée de quoi? Elle est tirée du Coran, de la Sunna et l'ijma ou le qiyas, c'est-à-dire le consensus des mujtahidoun et le qiyas, c'est-à-dire les analogies qui sont acceptables, qu'on peut faire pour extraire des versets qui ont des textes, soit du Coran ou de la Sunna. Et ça fait partie des fondements de la croyance de l'islam que de croire que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est supérieure et meilleure et plus complète et plus parfaite que toute autre loi. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vient pas des êtres humains limités et ignorants, qui sont limités dans leur connaissance et dans leur compréhension. Mais elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux et celui qui connaît toutes choses. Donc, en réalité, tous les musulmans appliquent sans exception des aspects de la charia dans leur vie. Que ce soit la prière, le hajj, le jeûne ou des choses de ce genre, tout ça, ça fait partie de la charia, le mariage, le divorce, tout ça. Hein? Et c'est une obligation pour eux de le faire selon leur capacité et selon leur niveau d'autorité qu'ils ont dans la société. Les musulmans au Canada ou ailleurs, avant d'être citoyens, eh ben, ils sont musulmans. Peu importe d'où ils viennent, avant d'être citoyens d'un pays, ils sont musulmans. Et la loi qui vient d'Allah et du messager est toujours au-dessus des lois qui sont faites par les hommes. Et elles ne peuvent jamais être contredites, disputées ou changées. Le fait qu'un musulman vienne vivre dans un pays mécréen, hein, c'est permis dans l'islam selon certaines conditions, dont les ulama ont expliqué dans leur livre, dans les livres de fiqh. Et dont la première et la plus importante condition pour qu'un musulman puisse vivre dans un pays qui est non musulman, c'est qu'il ait la capacité d'exprimer librement sa religion. S'il est plus capable d'appliquer librement sa religion, il est obligatoire pour lui de faire le hijra, c'est-à-dire de quitter ce pays et d'aller vivre dans une terre où il pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si un pays permet dans ses lois des choses qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui interdit des choses qui ont été permises ou ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, la règle est que les musulmans doivent se limiter aux lois qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et non aux lois de ce pays. La même chose est vraie pour la question des droits et libertés. Si un pays octroie un droit qui est contraire, à la charia, alors les musulmans ne doivent pas reconnaître ce droit. Il n'est pas valable pour eux. Comme par exemple ici, les gens vont dire, bon, les citoyens canadiens ont le droit d'être homosexuels. Donc ça c'est un droit qui est donné par la société canadienne aux gens. Toutefois, en tant que musulman, un musulman ne peut pas dire que, bon, moi je prends ce droit puisque je suis un citoyen canadien. Et mettre de côté sa religion. Il ne peut pas faire ça. Ok? Donc, c'est dans notre droit, et en fait, c'est une obligation pour nous, mais aussi c'est notre droit de refuser ce droit, en tant que musulman. Un exemple aussi, c'est qu'en se basant sur leur principe de droit, qui n'est pas éclairé par aucune lumière venant d'Allah, okay, ils affirment l'égalité de l'héritage du garçon et de la fille, contrairement à la loi divine, qui donne au garçon le double de la part dans l'islam, qui donne le double de la part de la fille, il nous donne au garçon le double de la part de la fille, selon la parole d'Allah dans le Coran, pour le garçon, il y a le double de la part de la fille. Donc, on a demandé à un des ulama, Mohamed ibn Uthaymeen, une question qui est dans ce sens. Ils ont demandé au cheikh, nous sommes dans un pays où les gens ils ne jugent pas selon la charia. Donc, il donne aux garçons et à la fille une part égale dans l'héritage. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit accepter son jugement et prendre la division de l'héritage à leur façon, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le chef, il a dit que, il a dit, dans un cas pareil, si un juge ou un notaire dans un pays qui ne juge pas selon le Coran et la Sunna donne une part égale aux garçons et à la fille, dans les questions d'héritage, les musulmans doivent ignorer le verdict de ce juge, de ce notaire, et le considérer comme étant nul, car il est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un cas pareil, les musulmans doivent s'organiser par eux-mêmes pour diviser l'héritage. D'accord? Et donc ça, c'est la réponse comment on doit aller dans les cas semblables. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il dit, et il est interdit de croire que ces lois sont injustes envers la femme ou discriminatoires. Car Allah ne fait pas un atome d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna Allah la yablimu nisqala zarra. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. Et envers personne. En fait, vouloir appliquer une égalité totale en tout et partout entre le mâle et la femelle de l'espèce humaine, c'est en réalité ça qui est la réelle injustice envers la femme. Parce que ça implique qu'on met sur le dos de la femme le double de la charge qu'Allah lui a mis. D'accord? Déjà, Allah, il a allégé la charge de la femme dans le plan des responsabilités et des charges dans la société. Il n'y a pas mis la charge, une charge égale à la charge que l'homme doit porter. Il a mis la grosse partie de la charge sur le dos de l'homme. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre sur le dos de la femme le même poids ou plus de charge de responsabilité à la femme qu'à l'homme. Alors dans ce cas-là, c'est une grave injustice pour la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wa tilka hududullah, wa man yata'adda hududallah, faqad zalama nafsah ». Voici les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dépasse et transgresse les limites d'Allah, alors qu'il a fait de l'injustice à lui-même. Et dans une autre ayah, Allah dit « Wa man yata'adda hududallah, fa'ula'ika humul zalimun ». Donc, c'est-à-dire, ceux qui transgressent les limites d'Allah, voilà les injustes. Yani, ça veut dire que c'est pas vrai que de croire que si on va pas respecter les règles d'Allah, yani, ça va causer de l'injustice. C'est le contraire. Et c'est ça que ces gens-là sont pas capables de comprendre, à cause du manque de foi qu'ils ont. Un autre exemple, dans le cadre du mariage et du divorce. Dans la charia, il y a quatre conditions pour que le mariage soit valable. L'accord de l'époux, la présence du wali, la présence de témoins, de deux témoins, et le mahr. Il n'est pas nécessaire que l'imam soit présent. Ni l'épouse, elle n'a pas besoin, elle, d'être là comme, par exemple, dans le christianisme. Il faut qu'il y ait le prêtre, il faut qu'il y ait la femme et l'homme, c'est devant tout le monde. Donc ça, c'est pas une condition dans l'islam. Yani, c'est très simple. Le wali, il dit, je te donne ma fille. Et le gars, il répond, j'accepte. Et ça y est, yani, le mariage est fait. La question des papiers, en fait, c'est un détail administratif. C'est pas une condition dans le mariage. Le mariage est donc primordialement un contrat verbal. Et les musulmans peuvent donc se marier partout, sans problème, et peuvent appliquer la polygamie même, parce que selon la loi canadienne, par exemple, ils ne reconnaissent pas ce mariage. Si des gens, font le mariage sur le plan islamique sans avoir les papiers de mariage, le mariage-là, pour eux, c'est pas reconnu comme un mariage. Donc, si quelqu'un, un Québécois ici, décide d'avoir deux, trois femmes sans les déclarer, eh bien, ils ne vont pas considérer comme si c'était un homme marié qui a plusieurs copines et qui a plusieurs. Ça, c'est pas un crime selon leur loi. C'est seulement un crime qui a devenu déclaré. Donc après, la même chose est faite pour les autres règles de la religion comme le divorce. C'est pas nécessaire d'être devant un imam ou des choses de ce genre. Mais ça, on va en reparler, Inch'Allah, plus loin. Il y a même un grand problème quand on regarde les contradictions qui arrivent entre les lois du pays et les lois de la charia, par exemple. À savoir, si par exemple une femme musulmane ici demande le divorce à son mari et se fait faire un divorce par la loi canadienne ici, fait annuler son mariage selon la loi canadienne, et que son mari ne l'a pas répudié, c'est-à-dire il n'a pas divorcé, il ne l'a pas divorcé. Est-ce que, parce qu'elle fait son divorce à la cour, est-ce qu'elle est reconnue comme étant divorcée islamiquement ou non? Ça, c'est une question qui est très importante. Est-ce qu'elle est encore mariée malgré qu'elle ne s'est pas fait divorcer de son mari? C'est notre problème. Mais si une femme musulmane se marie avec un mécréen, selon les lois canadiennes, c'est un mariage qui est valable. Tandis que selon l'islam, le mariage n'est pas valable. Et elle est considérée comme une femme qui fait l'adultère. Et si elle a des enfants, ses enfants sont pas légitimes. Dans un autre exemple, dans l'éducation des enfants, dans l'islam, les parents ont un poids sur leurs enfants, peu importe l'âge. Tandis que, par exemple, ici, à l'âge, après 18 ans, ça y est, c'est fini. Les parents n'ont aucun droit et même, aucune possibilité de faire quoi que ce soit pour, vis-à-vis de l'autorité ou des choses de ce genre envers leurs enfants. Alors que dans l'islam, la majorité ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est relié à la puberté. Quelqu'un qui atteint la puberté est reconnu comme étant être une personne majeure et responsable, d'accord, même si elle n'a pas 18 ans. Et le respect des parents, c'est obligatoire, c'est même si l'enfant a dépassé l'âge de la majorité. Donc, les musulmans ne se réfèrent pas aux lois faites par l'homme dans ces situations, mais uniquement à la loi d'Allah. Bien entendu, si un musulman a un problème et qu'on l'a brimé dans ses droits, on a volé ses biens ou on lui a fait une injustice, il a le droit de se référer au système des mécréants pour retrouver son droit, non pas en croyant que c'est le jugement d'Allah, mais comme un moyen de retrouver ce qu'on lui a enlevé ou ce qu'on lui a pris injustement. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen que ce moyen-là. Donc, dans cela, c'est permis. Donc, pour revenir aux paroles de ce que Fatima a dit dans cette entrevue, elle a clairement fait comprendre qu'elle place les lois des hommes au-dessus de la loi d'Allah. Et c'est une des choses qui représente un rejet complet de la foi en islam. Car celui qui croit que la loi d'Allah est inférieure à celle des hommes, et que ce que les messagers, et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a décrété comme loi venant d'Allah, soit injuste, rétrograde, discriminatoire, inférieure à la parole d'Allah, n'a aucune foi en islam ni en Dieu. Même si cette personne se dit musulmane. Et contrairement à ce que prétend Fatima, et les autres laïcs de sa catégorie, c'est parce que l'islam est sans clergé, personne ne peut être excommunié, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de prêtre dans l'islam, une hiérarchie, une autorité religieuse, personne ne peut excommunié de l'islam. Ça c'est une, premièrement, il n'y a pas excommunié dans l'islam, ça c'est un terme qui se réfère au christianisme. Elle utilise ce mot-là, mais ça n'a pas rapport. Parce qu'on sait que n'importe quelle personne qui regarde dans les livres de fiqh, il y a un chapitre qui s'appelle Bab al-Ridda. C'est-à-dire le chapitre de l'apostasie. Ça, n'importe quelle personne peut retourner à n'importe quel livre de fiqh, dans n'importe quel des quatre mazahib, que ce soit Hanbali ou Shafi'i ou Hanafi ou Maliki, il va trouver ce chapitre présent dans le livre. Mais, comme on a dit, ce n'est pas le clergé qui fait l'excommunion, comme on va utiliser le bon terme. Ce n'est pas au clergé dans l'islam, ce n'est pas le clergé qui est excommunié, ce n'est pas les imams intégristes comme elle les appelle, ce n'est pas spécialement non plus des islamistes, et ce n'est pas non plus personne parmi les individus des musulmans. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'autorité de déclarer que quelqu'un est en dehors de l'islam. C'est uniquement Allah et son messager qui ont ce droit. Et donc, c'est directement Allah qui est excommunié dans l'islam. Et il le fait dans sa révélation. Donc, par exemple, c'est pas à nous de le faire, c'est de le dire, mais c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici les preuves du Coran et de la Sunna au sujet de ce qu'elle a discuté dans son entretien. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'il recherche? Et qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en jugement pour un peuple qui est convaincu? Et personne est meilleur en jugement que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui préfère le jugement de l'ignorance au jugement d'Allah, c'est clairement une personne qui n'a pas une conviction à Allah. Un autre ayah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, une fois qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont décrété d'une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur manière d'agir. Donc, une fois que le jugement d'Allah et de son messager a été expliqué, clarifié, et qu'on se prétend ou qu'on se dit être un croyant ou une croyante, alors ça y est, on n'a plus de choix dans nos façons d'agir ou de penser. On doit se limiter à l'ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre ayah, « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum. » فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ça veut dire, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et si vous avez un désaccord quelconque en quoi que ce soit, ramenez-le, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous êtes vraiment croyant à Allah et au jour de résurrection, au jour dernier. Et ça, c'est une meilleure explication, une meilleure conclusion que vous allez trouver dans le jugement d'Allah. Donc, Allah, il dit, in kuntum tu'minuna billah. C'est une condition que si vous êtes croyant, vous devez renvoyer le jugement à Allah et à son messager. Et, bien entendu, renvoyer le jugement à Allah et son messager, ça signifie de renvoyer au Coran et de le renvoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Après, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans une autre ayah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est une ayah dans laquelle Allah sallallahu alayhi wa sallam jure par lui-même, il ne jure par sa personne. Non, je jure par votre Seigneur, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils ne te prient, toi, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme juge dans toutes les discordes qui sont venues entre eux. Et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune insatisfaction de ce que tu leur as décrété et qu'ils s'y soumettent entièrement. Et donc ça, c'est un verset clair dans lequel Allah sallallahu alayhi wa sallam fait comme condition pour la foi, que quelqu'un soit entièrement soumis et qu'il ne trouve aucune difficulté d'accepter le jugement qui vient d'Allah, et que celui qui n'a pas ça n'est pas croyant jusqu'à ce qu'il ne l'ait fait. Allah dit dans une autre ayah aussi, وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Et juge entre eux par ce que Allah, selon ce qu'Allah a fait descendre, et ne suit pas leur passion. Et prends garde qu'ils n'essaient de se tenter de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et s'ils se détournent, alors sache que Allah veut uniquement les punir pour leurs péchés, pour certains de leurs péchés, et beaucoup parmi les gens sont des pervers. Et ça, c'est un ordre dans lequel Allah il dit à son messager et à ceux qui vont être après lui, ceux qui vont être après le prophète et à tous les musulmans, parce que l'ordre qui va au prophète dans le Coran, il s'adresse en même temps aussi à tous les musulmans. Donc, ça veut dire de juger selon ce qu'Allah a révélé et ne pas suivre leurs désirs et leurs passions. Et de faire attention qu'ils ne les éloignent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَسْتِنُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Il n'a pas dit et prends garde qu'ils ne t'éloignent de ce qu'Allah a révélé. Il a dit, prends garde qu'il ne fait de t'éloigner d'une partie ou d'un peu de ce que Allah t'a révélé. C'est-à-dire, même dans les petites choses, il faut prendre garde. Donc, imaginez pour des choses qui sont plus importantes. Allah dit dans une autre ayat, أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Cette ayat qui s'est signifié, subhanallah, c'est clair. C'est-à-dire, n'as-tu pas vu à ceux qui pensent qu'ils ont cru en Allah, ceux qui prétendent avoir cru en ce qu'on a révélé à toi et ce qu'on a fait révéler à toi, Yanni, en disant à toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qu'on t'a révélé à toi, au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le paro. Et le paro, c'est quoi? C'est toute loi, ce système, ou personne qui est adorée, ou suivie, ou obéie, bas qui est contraire à Allah ou dans autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils veulent, on pourrait dire aussi que, par exemple, la charte des droits ou la loi canadienne, dans les choses qui sont contraires à la charia, si tu la suis dans ça, voilà, et tout ça, cela alors tu as suivi le tarot. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ils veulent se référer au tarot comme juge, alors qu'ils ont été ordonnés de le rejeter. Et le waqad umiru an yakfurubi. Et après Allah dit, et le shaitan, il veut les égarer d'un égarement lointain. Et lorsqu'on leur dit, venez à ce qu'Allah a fait révéler à son messager, venez au jugement d'Allah. Il dit quoi? Allah, il dit quoi après? Il dit, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Tu vois les hypocrites qui s'éloignent de toi et qui se détournent. Donc, on voit que de refuser d'appliquer la charia ou d'appliquer la charia et préférer d'autres lois ou d'autres systèmes de justice fait partie des caractéristiques de ceux qu'on nomme al-munafiqun, les hypocrites. Ceux qui disent avec la bouche, nous sommes musulmans, nous croyons à l'islam, nous croyons au Coran, nous croyons à la sunna, mais qui n'y croient pas vraiment. Et il y a plusieurs versets qui décrivent clairement l'attitude des hypocrites laïcs dans le Coran. Et ceux qui se disent musulmans et qui se disent laïcs en même temps. Voici quelques exemples dans le Coran. Allah SWT dit, وَيَقُولُونَ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى يزيد في الآيات يزيد نؤمن بالله وبرسوله ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به ونؤمن به. Et lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'on puisse juger entre eux, tu vois qu'une partie d'entre eux se détourne. Et si le droit est en leur faveur, ils y viennent soumis, en toute soumission. C'est-à-dire si le droit est en leur faveur, là, ils disent oui, on vient. Est-ce qu'ils ont une maladie dans leur cœur? C'est-à-dire qu'ils ont, est-ce qu'ils sont des hypocrites? C'est le marad, c'est le qalb, la maladie du cœur, c'est l'hypocrisie. Un irtabu, ou bien ils ont un doute en l'islam, ils ont un doute en le Coran, ils ont un doute en la sunna. Après Allah dit, أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رَسُولًا. Ou bien ils craignent qu'Allah leur fasse une injustice, ou son messager. Yani, comme ils disent maintenant, c'est une injustice pour la femme, c'est une discrimination pour la femme. Donc, ils ont peur qu'Allah, ils ont messagé leur place une injustice. Ben, il a écrit les valeurs. En fait, ce sont eux les injustices. Encore une fois, comme on avait dit plus tôt. La parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah pour qu'on juge, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'on juge entre eux, qu'est-ce qu'ils disent, ces croyants? Ils disent uniquement, nous avons entendu et nous obéissons. Et voilà ceux qui auront le succès. Après, Allah dit, après ça, donc ça c'est le verset, et ça décrit exactement, Yannis. Ça prouve clairement que de ne pas accepter la loi d'Allah est une négation de la foi. Sans oublier les versets qui sont encore plus explicites que ceux-là. Yannis, comme par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ou bien ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là ce sont les mécréants. Alors ça c'est un verset clair. Et les savants ont expliqué que ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, en rejetant l'obligation, ou en croyant que c'est permis de désobéir, ou qui considèrent que les lois humaines sont supérieures ou égales à la loi révélée par Allah, ceux-là sont des mécréants qui sont en dehors de l'islam. De même que ceux qui croient que les lois d'Allah ne peuvent pas être appliquées à notre époque, ou qu'elles sont barbares, sauvages et rétrogrades, discriminatoires pour la femme, que de couper les mains des voleurs, ou de lapider les coupables d'adultère, est barbare et sauvage, alors que Allah dans son livre a fait savoir que ces gens-là ne sont pas des croyants, ne sont pas des musulmans, même s'ils le prétendent. Hein, parce que c'est comme une contradiction de leur part. Ils ne sont pas des croyants, même s'ils se croient musulmans, même s'ils se croient musulmans, et même s'ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », et même s'ils prient, ou même si une femme porte le voile et elle prétend être musulmane, puis elle critique la charia, elle n'est pas musulmane, tant qu'elle n'a pas cette tauba. Elle doit se repentir de ses paroles, elle doit demander pardon à Allah, elle doit ouvertement revenir sur ses paroles et dire qu'elle rejette ce qu'elle a dit dans le passé et expliquer aux musulmans clairement qu'elle a laissé tomber ses idées et qu'elle est revenue à la foi en Allah et son messager et à l'application ou à la foi en la charia. Donc, même si on n'est pas d'accord avec le groupe de personnes qui réclament l'application d'un tribunal islamique, soit parce qu'on a un doute sur les personnes, c'est-à-dire peut-être que quelqu'un va dire « Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce groupe-là parce que j'ai des doutes sur eux, je ne connais pas ces gens-là, je ne connais pas leur façon d'appliquer ici, ils sont des bons musulmans, peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas qualifiés. » Dans ce cas-là, c'est une raison qui pourrait être valable, si tu as des raisons de prouver ça, si tu as des raisons d'avoir ces doutes-là, c'est complètement acceptable. Mais, ça ne nous donne pas le droit d'arriver et de commencer à critiquer la charia et d'attaquer les règles qui viennent d'Allah. Car d'accepter la charia, comme on l'a dit, c'est une condition pour être musulman. Et on ne peut pas attaquer la charia d'aucune façon. Il doit aussi être clair qu'aucun musulman n'a le droit de placer les lois du Canada, du Québec, des États-Unis, de la France, ou même des pays musulmans, quand ils ont des lois qui sont contraires à l'islam, comme le Maroc, la Tunisie ou la Turquie, comme l'exemple qu'elle a mentionné dans la citation. Elle a dit, il y a des pays musulmans qui ont fait des changements à la charia pour pencher plus vers l'extrême, hein, dans le sens de, pour aller plus vers la justice. Et de dire ça, Yanni, c'est un mensonge contre Allah SWT. Parce que personne n'a le droit et ne peut changer la charia qui vient d'Allah SWT. Et ce qu'ils ont fait en changeant les lois qui se rapportent au mariage, au divorce, ou à l'héritage, ou de ces choses-là, en fait, ça représente juste une déviation, un égarement de l'islam. Mais il n'y a jamais personne qui va accepter que ce qu'ils ont fait, c'est un changement de la charia. Ce n'est pas la charia qu'ils ont changé, c'est seulement qu'ils ont refusé d'accepter la loi d'Allah. Donc, le système des lois et de la justice des mécréens dans leur système démocratique, c'est un système dans lequel les lois peuvent changer avec le temps. Ce qui est légal aujourd'hui peut être changé avec le temps. Ce qui est légal aujourd'hui peut devenir illégal demain. Ce qui est illégal aujourd'hui peut devenir légal demain, selon les tendances qui sont en vogue dans la société. Hein? Selon la majorité, selon les votes, selon l'opinion publique. Comme le mariage des sodomites, les hommes qui aiment les hommes ou les femmes qui aiment les femmes, quand la société était plus en contact avec leur religion, les chrétiens ici, quand ils étaient plus en contact avec leur religion et leurs règles religieuses, eh bien ces choses-là étaient interdites. Et même un homme et une femme mariés, même s'ils étaient mariés, ils n'allaient jamais s'embrasser dans la rue en public. Ici à Montréal, ici au Québec, personne n'allait faire ça. Personne n'allait faire une telle affaire, comme par exemple de marcher dans la rue et de s'embrasser ouvertement devant les gens, même si on est marié. Alors qu'aujourd'hui, ces choses-là sont acceptées. Hein? Pourquoi c'est devenu accepté maintenant alors que ce n'était pas avant? C'est parce que, ils ont conditionné, lentement, ils ont réussi à conditionner la population pour qu'ils acceptent lentement ces comportements immoraux et contradictoires aux lois qui sont révélées par Allah et par les messagers, Et donc, à la fin, avec les films, avec la télévision, avec toutes ces choses-là, ils ont réussi à conditionner les gens et à les adapter pour qu'ils soient capables de l'accepter. Et ils font la même chose maintenant, ils essaient la même méthode dans les pays musulmans. Avec les films, avec les téléséries, avec les livres, avec les histoires, ils commencent à lentement essayer de conditionner la morale des musulmans pour les faire accepter petit à petit des choses qui correspondent à des égarements et à des déviations de la croyance et de l'islam. Par exemple ici, au Canada, l'ancien code civil, il avait délimité l'âge minimum pour que quelqu'un puisse se marier, c'était 12 ans pour la fille et 14 ans pour le garçon. Ça, c'est ici au Québec. Okay. Et maintenant, ils l'ont changé, ils l'ont mis à 16 ans. Dernièrement, là, ça fait pas trop longtemps. Donc, comme elle dit, elle, vous allez entendre tout à l'heure, il y a des groupes minoritaires, j'utilise le même terme qu'elle utilise, elle. Il y a des groupes minoritaires, j'utilise le langage du Fatima Pépin, avec des agendas politiques bien précis, qui ont travaillé pour faire changer l'opinion publique à travers les médias, à travers les organisations laïques, etc. Ils ont fait une campagne féroce contre le clergé, qui détenait le pouvoir politique et l'éducation, et ils ont réussi à prendre le pouvoir pour faire imposer leur vision à la population sous le couvert de la démocratie. Un bon exemple de ça, c'est par exemple, juste pour vous donner un exemple, l'exemple des échecs successifs des indépendantistes au Québec. Ils reviennent, pourquoi ils reviennent constamment après chaque échec avec la question de l'indépendance? Parce qu'ils savent qu'ils gagnent du temps comme ça. Et ils ont toujours l'espoir qu'après un prochain avenir, ils vont être capables de changer l'opinion publique en leur faveur pour être capables d'établir l'indépendance du Québec. D'accord? Donc, c'est que dans un système comme ici, il n'y a rien qui est stable. Il n'y a rien de stable. Ni dans les lois, ni dans le système, ni dans quoi que ce soit. Parce qu'avec le système démocratique, il n'y a rien qui reste. Tout peut changer selon la passion, les passions des citoyens, puisque dans la démocratie on sait ce que ça veut dire, le pouvoir qui appartient au peuple, démonstrateur, c'est deux mots grecs qui veut dire le pouvoir du peuple, alors que dans l'islam c'est seulement Allah qui fait les droits, et ça on va en parler aussi plus tard. La démocratie en réalité est plus fragile qu'une toile d'araignée, c'est pourquoi ils ont pris peur. Par exemple, Fatima Ouda Pépin, elle a dit devant l'Assemblée nationale, quand elle a présenté sa motion pour interdire les tribunaux islamiques, elle a dit, c'est le fondement même de nos assises démocratiques qu'il faut protéger. Permettre que la charia au Québec et au Canada reviendrait à remettre en question tous les acquis que nous avons réalisés collectivement depuis les 50 dernières années en termes d'égalité, de justice et de droit de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Il dit l'exemple de ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah est comme l'exemple de la reine quand elle a pris sa maison. Et la plus faible des maisons, la plus fragile des maisons, c'est la maison de l'araignée. Il n'y a aucun ouvert à la main. C'est seulement une salle. Et la démocratie, c'est comme la toile de l'araignée. Elle n'est pas solide. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de l'islam de cette façon. Parce qu'ils savent que, ça vient secouer les acquis des fondements de leur société. Et remarquez comment elle parle des fondements du Québec et du Canada en disant nos fondements. Et en disant les acquis que nous avons réalisés collectivement depuis les dernières 50 ans. Elle n'était même pas ici il y a 50 ans. Subhanallah, c'est une immigrante, elle est venue ici il n'y a pas longtemps, elle est marocaine. Donc, subhanallah, comment elle vient d'un pays musulman, et puis elle vient ici, elle quitte les valeurs de l'islam et de la charia pour adopter les principes de mécréants, comme étant les siens. Alors que maintenant, il y a des Québécois qui se convertissent à l'islam, et qui acceptent la charia et les principes de la charia comme étant leurs principes. Comme moi, par exemple, il est né ici, d'une mère québécoise, et d'un père ainsi. Ça c'est un exemple, et ça me fait penser au verset d'Allah SWT dans lequel il dit وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. C'est-à-dire, et si vous vous détournez, Allah SWT il va vous échanger par un autre père, autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Et dans un autre ayah, Allah dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ô les croyants, celui d'entre vous qui s'apostasie de sa religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que ça ne lui fait rien, ça ne lui enlève rien, parce qu'il va venir avec un autre peuple pour vous, qu'il aime, que eux aiment Allah et que Allah aime. Ils sont humbles envers les croyants, mais fiers envers les non-croyants. Et ils combattent, ils luttent dans le chemin d'Allah et ils n'ont pas du blâme d'aucun blâmeur. D'accord? Donc moi, j'ai rejeté le principe de la démocratie et de la laïcité. Les lois qui légalisent ce qu'Allah a interdit. Et qui interdit ce qu'Allah a ordonné. Depuis mon enfance, malgré mes origines, j'étais pas musulman, mais j'étais jamais d'accord pour penser ou pour croire que, on pouvait légaliser l'adultère. Ceci deux êtres humains, un homme et une femme qui sont consentants, même s'ils sont mariés, s'ils décident de faire l'adultère, il n'y a aucune punition pour eux et qu'est-ce qu'ils font est totalement légal. Ça, c'est quelque chose que, en tant que, même quand j'étais pas musulman, je lisais la Bible, je ne pouvais jamais accepter des choses de ce genre. Comment on peut prendre, on peut dire, on est chrétien ou juif, peu importe, et qu'on voit que Dieu a mis, par exemple, dans les 10 commandements, que tous les chrétiens connaissent, et que tous les juifs connaissent, dans les 10 commandements, qui est écrit, vous ne commettrez pas l'adultère. Et après, faire une loi avec sa main, qui dit, l'adultère est légal entre deux adultes consentants. Subhanallah. Donc, dans ma tête, ça ne faisait jamais aucun sens. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, et dans l'islam encore, c'est encore plus fort, avec plus de conviction, parce que l'islam est encore 100 fois plus clair. Et c'est le haqqiyyah. Donc, il est fondamental de comprendre que personne n'est musulman sans qu'il n'a rejeté le parole. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui a rejeté le طاغوت et qui a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'arche la plus solide. Il ne se brise jamais. Et donc, c'est une condition pour dire qu'on croit en Allah que de rejeter le طاغوت. Tu ne peux pas dire, je crois en Allah et je crois au طاغوت en même temps. Tu ne peux pas dire, je crois en l'islam et je crois en la démocratie en même temps. C'est une contradiction. Donc, si tu dis, je crois en Allah, oui, c'est vrai, tu crois en Allah. Sauf que tu crois au Tawhid en même temps que tu prétends croire en Allah. Et ça, c'est une contradiction. Un annule l'autre. Donc, tu dois rejeter l'un ou rejeter l'autre. Tu ne peux pas croire aux deux en même temps. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Et on doit choisir notre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé ce messager, qui a envoyé ce messager avec la guidance, la religion de vérité, pour qu'elle ait précédence, pour qu'elle passe au-dessus de toute autre religion, même si cela déplaît aux non-croyants et aux idolâtres. Il y a deux versets qui en seul sens. Donc là, on va passer à la deuxième citation de Fatima Soudafissi. Deuxième citation de Fatima Soudafissi au sujet des féministes laïques démocrates dans le pays. Et l'autre aspect qui nous préoccupe également, c'est que la charia contre laquelle les femmes musulmanes et les démocrates se battent depuis des années dans les pays musulmans. Donc, ici, je m'adresse directement à Fatima. Je lui dis, لما تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون يعني pourquoi tu recouvres la vérité par le mensonge et tu caches la vérité alors que tu sais subhanallah tu t'adresses à des gens qui n'ont pas qui ne sont pas mais des gens qui sont convertis à tes idées mais tu t'adresses en réalité aux gens qui ont inventé et qui font tout pour propager ces idées-là. Tu parles à des gens qui sont convaincus que la charia est mauvaise. Elle s'adresse à des non-musulmans. Comme si elle est en train d'essayer de les convaincre de quelque chose. Alors que c'est eux qui prêchent ces idées-là. Donc, subhanallah, elle essaie de tromper les musulmans et elle se trompe elle-même. Et c'est pourquoi, Yanni, je lui dis, tu sais très bien que tu peux, que tu ne peux pas répéter ces paroles devant les musulmans. Elle est allée voir les non-musulmans et elle a prononcé ces paroles-là devant eux. Mais elle a défié de venir devant les musulmans dans une mosquée pour répéter ces paroles. Et je suis certain qu'elle n'aura jamais osé le faire. Et j'espère qu'elle n'aura jamais osé le faire. Et aucune femme musulmane ne combat la charia. Aucune femme musulmane ne fait une chose pareille. Ce dont tu parles en réalité, c'est d'une infime minorité ignorante de l'islam qui s'est occidentalisée et qui prennent l'Occident et tout ce qui vient des mécréants comme étant supérieur à l'islam. Ils ne représentent pas une majorité de la population, mais une infime proportion de gens remplis d'un complexe d'infériorité vis-à-vis des mécréants. Ce sont des radicaux, des marions qui veulent acquérir le pouvoir des pays musulmans pour détruire les assises de la religion musulmane et des lois islamiques dans nos pays. La charia a toujours été le centre de la vie des musulmans depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, durant le khilafa des quatre khulafa al-Rashidin, durant les Bani Umayya, durant Bani al-Abbas, durant al-Uthmaniyya, durant al-Muwahidun ou al-Murabitun, yani à toutes les époques. Tant que les musulmans se sont attachés à la charia, ils sont restés fermes. Mais ils se sont éloignés petit à petit et ont innové des pratiques religieuses qu'Allah n'a jamais révélées. Et les soufis et les chiites ont créé des divisions et ont répandu l'ignorance chez les musulmans. Alors les musulmans, les mécréants, les non-musulmans, ils en ont profité pour nous attaquer, pour entrer dans nos pays. Ils nous ont colonisé, nos pays, au nom de la croix. Et ont établi leurs lois et leurs systèmes, et ont veillé à éduquer un groupe de parmi les musulmans à leurs idées. Ils ont par la suite fait en sorte d'orchestrer des révoltes basées sur le nationalisme et non sur l'islam, pour chasser les colonisateurs qui faisaient bien attention à ce que les gens qui allaient les succéder seraient des gens convaincus de la supériorité du mode de vie occidental et les principes démocratiques, même s'ils ne les appliqueraient jamais en réalité. C'est comme cela qu'est apparu un groupe avec un agenda politique bien précis pour pousser par les mouvements laïcs, démocrates et féministes d'inspiration occidentale qui traduit mot par mot ou mot pour mot le discours des femmes et des hommes mécréants d'Europe et de l'Amérique en langage local pour appeler les musulmans à rejeter les fondements de l'islam. Aidés et subventionnés par les juifs et les chrétiens, ils réussissent à s'infiltrer de façon très habile et mettre en marche le plan des ennemis de l'islam dans les pays musulmans. Et ce qui est confirmé, ce que je dis est confirmé par des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Par exemple, un hadith, c'est hadith Hudhayfa, un hadith très célèbre, الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيح. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قال وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرفون تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث في رابورته par Hudayfa par l'imam al-Bukhari dans son Sahih qui dit les gens, yani Hudayfa il dit les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, mais moi j'aimais lui demander au sujet des choses mauvaises par peur que ces choses-là m'atteignent. Alors je dis au messager d'Allah, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous étions dans l'ignorance et dans le mal. Et l'islam, et Allah nous est venu avec ce bien, c'est-à-dire l'islam. Est-ce qu'après ce bien, est-ce qu'après cette période, est-ce qu'il va y avoir un mal qui va arriver encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Alors il lui a dit, et est-ce qu'après ce mal, il va y avoir un bien? Il a dit oui, il y aura encore un bien. Sauf que dans ce bien, celui qui va venir après, il va avoir une sorte de fumée. Il va pas être clair, ce bien. Il a dit, ya Rasulallah, mais qu'est-ce que tu veux dire par cette fumée? Il a dit, ce sont des gens qui ne se basent pas sur ma guidance. Et il y aura des choses qu'ils vont faire que tu vas accepter, et d'autres qu'ils vont faire que tu vas rejeter. Alors, après il a dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, est-ce qu'après ce bien-là, celui qui a de la fumée dedans, est-ce qu'il va y en avoir un mal après? Il a dit oui. Il y aura des gens qui appelleront directement devant les portes de l'enfer. Ils appelleront les gens, et ceux qui vont leur répondre à leur appel, eh bien, ils seront lancés dans l'enfer. Alors, il a dit, ô messager d'Allah, décris-les pour nous, décris-les-nous. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce sont des gens de notre peuple, de notre origine, les Arabes. Et ils parlent notre langue, ils parlent la langue arabe. Qult, alors qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si j'arrive à dans cette situation-là et que je vois ces gens-là? Il a dit, je te conseille de rester avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants. Il a dit, et s'ils n'ont aucun groupe, et s'ils n'ont pas d'imam, ils n'ont pas de dirigeant, qu'est-ce que je fais? Il a dit, alors laisse tomber tous les groupes. Et même si tu dois t'accrocher au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne, alors reste. C'est-à-dire, le tronc d'un arbre, les ulama, ils ont interprété ça comme signifiant de s'accrocher à l'islam, s'accrocher au Coran et à la Sunna jusqu'à la mort. Et laisse tomber tous les groupes et les divisions qui existent en l'univers. Et il y a des versets, ce hadith-là, il est clair. On voit aujourd'hui ces gens-là, qui sont des musulmans, qui ont des non-musulmans, qui s'appellent Fatima, qui s'appellent Khadija, qui s'appellent d'autres non-musulmans, et des hommes, Muhammad et d'autres. Hein. Donc, ils ont des non-musulmans, ils parlent arabe, ils sont tous des gens d'origine arabe, mais malgré tout, quand tu regardes ce qu'ils appellent, ils appellent à l'enfer. Ils appellent les gens à rejeter la charia. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ولتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث للصحيح صلى الله عليه وسلم يقول vous allez suivre les exemples des gens qui ont vécu avant vous pas à pas. Même s'ils veulent entrer dans le trou d'un vase, vous allez vouloir les suivre à ce point-là. Et ça, bien entendu, ce n'est pas la majorité des musulmans, mais il y aura un grand groupe, une grande proportion de musulmans qui vont suivre ces gens-là. Et les gens qui se sont égarés avant nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Il a dit, qui d'autre? Donc, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire les musulmans qui vont le suivre dans leur regard, moi, ceux qui étaient avant nous. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets, « وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرْدُوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا » وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَحَسَ اللَّهِ. Il y a un grand nombre parmi les gens du livre qui aimeraient, qui souhaiteraient vous faire revenir à la mécréance, hein, après qu'ils vous aient écrit. Et Allah il dit, « وَلَا يَعْجَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا » Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent quitter votre religion si ils en sont capables. Dans une autre ayah, Allah dit, « إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ » Donc, s'ils arrivent à avoir le dessus sur vous, ils vont être pour vous des ennemis. Et ils vont étendre contre vous leurs mains et leurs langues en mal, et ils souhaitent que vous rejetiez la foi. Waddu law takfurun. Là, il dit aussi, Waddu law takfurun kama kafaru, fa takfurun sawa. Ils souhaiteraient que vous soyez mécréants, comme eux, ils ont été mécréants, comme, dans le but, comme ça, vous seriez égaux. Et il dit dans une autre ayah, « وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » Il y a un groupe des gens du livre, les chrétiens et les juifs, qui souhaiteraient vous égarer, mais ils ne s'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Et il dit aussi dans une autre ayah, « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ » Oh, les gens du livre, oh, les croyants, si vous obéissiez à un, à une partie des gens qui ont reçu le livre, ils vont vous faire revenir mécréants après que vous ayez eu la foi. Ces femmes ne sont donc pas musulmanes parce qu'elles se révoltent contre Allah, et parce qu'elles se révoltent contre Allah, pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas affirmé l'égalité des sexes. Il n'a pas affirmé que l'homme est égal à la femme et que l'homme est égal, que la femme est égale à l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa laysa dhakaru kal untha. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Le garçon n'est pas comme la fille. Et une ayah dans le Coran. Et il dit aussi dans une autre ayah, wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijal alayhinna daraja. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et elles ont des droits, et elles ont des droits équivalents à leur responsabilité, elles ont des droits équivalents à leurs obligations dans le bien. Mais les hommes ont cependant un degré de supériorité sur elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre ayah, dans son Nisa, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات لله حافظات للغير بما حفظ الله. Les hommes sont les responsables des femmes à cause qu'Allah a préféré ceci sur celle-là. Allah a préféré les hommes sur les femmes et à cause des biens qu'ils dépensent pour s'occuper des femmes. Et les femmes qui sont vertueuses, elles sont obéissantes pour leur mari. Et elles gardent en leur absence leurs biens qu'Allah préserve aussi. Et dans une autre ayah, Allah s'est parlé, il dit, « وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى il dit, et n'enviez pas ce qu'Allah a donné à certains d'entre vous sur d'autres de ce bien faire. Il ne faut pas que un envie l'autre. Les رجال نصيب مما اكتسبوا, les hommes auront ce qu'ils ont acquéri, et les femmes aussi auront la partie de ce qu'ils ont acquéri. Et si vous voulez quelque chose, demandez-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est connaisseur de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, par sa connaissance infinie, et par sa justice infinie, il a fait qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes dans la charia. Par exemple, dans l'héritage, dans le mariage, l'homme a le droit de marier plus qu'une femme, tandis que la femme a le droit de marier plus qu'un homme. La femme ne peut pas se marier sans un wali, tandis qu'un homme n'a pas besoin de wali. L'homme peut marier une femme chrétienne ou juive, tandis qu'une femme peut uniquement marier un musulman. Ça fait toutes les différences entre les hommes et les femmes dans ces choses-là. Là, la diya, par exemple, le prix de sang. Le prix de sang d'un homme, c'est pas le même que le prix de sang d'une femme. Si une femme meurt, et si un homme meurt, le prix de leur vie n'a pas le même dans la charia. On va pas donner à la famille du défunt ou de la défunte la même somme d'argent pour l'homme que pour une femme. Dans le divorce, c'est le droit de l'homme. C'est seulement lui qui déclare le divorce, c'est pas la femme. Dans le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes. Dans le hijab, l'homme a pas besoin de porter le hijab quand il sort dehors. Allah a pas ordonné ça à l'homme. Il a ordonné de s'habiller d'une façon qui couvre ses parties et qui couvre son nudité. Mais, en dehors de ça, je dis, c'est pas obligatoire pour lui de couvrir tout son corps de la même façon que la femme. Par exemple, le jihad, c'est seulement obligatoire pour les hommes, non pour les femmes. Aussi, le prophète français, il a interdit qu'une femme ait un poste d'autorité. Il a dit, l'an yuflih aqawmun, wallaw amrahum imra'a. Un hadith rapporté dans Al-Bukhari qui dit, un peuple n'aura jamais le succès tant qu'il donne à leur femme un poste d'autorité. C'est pour ça que dans l'islam, une femme ne peut pas avoir un poste de juge, ne peut pas être dirigeant d'un pays, elle ne peut pas avoir des postes d'autorité de ce genre. Et donc, ça c'est des choses qui nous font distinguer que dans l'islam, il y a une différence entre les règles qui se rapportent aux femmes et entre les règles qui se rapportent aux hommes. Et de vouloir dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, dans l'islam, il y en a dans tout, c'est complètement faux, c'est pas vrai. Et on dit à ces femmes-là qui rejettent ces règles, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez à une partie de ce qu'Allah a révélé et vous rejetez le reste? Et qui fait votre affaire dans l'islam, vous l'acceptez, vous dites oui, mashallah, c'est l'islam, c'est la religion d'Allah. Et qu'est-ce qui fait pas votre affaire? Vous dites non, non, ça, on l'accepte pas, on l'accepte pas. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de rejeter la prière? Qu'est-ce qui vous empêche de rejeter le jeûne? Qu'est-ce qui vous empêche de rejeter, la zakat? Si vous êtes capable de rejeter ces aspects de la charia que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous empêche de rejeter d'autres aspects de l'islam? Quelqu'un pourrait dire, bon, moi je suis musulman mais j'accepte pas le ramadan, j'accepte pas, moi je suis musulman mais j'accepte pas 5 prières par jour, mais je suis quand même musulman. Donc ça amène à quoi? Ça amène à faire, en fait, ça amène à rejeter la religion complète. On ne peut pas faire un pick and choose dans l'islam, comme ça, comme tu choisis ce que tu aimes, comme si c'est l'islam, c'est pas un bazar. On rentre pas, puis on choisit ce qu'on aime et on le met dans notre sac, et ce qu'on n'aime pas, on le met dehors. Tu l'acceptes et tu le rejettes. C'est comme ça. Et donc, quand elle voit que Allah n'a pas affirmé l'égalité totale de l'homme et de la femme dans tout, dans l'islam, et bien ça les enrage. Ça crée en eux une rage. Parce que pourquoi? Parce que ça va en contradiction avec les lois et les systèmes et les droits des mécréants. Alors ils ont déclaré la guerre à l'islam. Et pour ne pas choquer les musulmans, eh bien ils utilisent le mot charia. C'est-à-dire, on est contre la charia. Ils disent pas on est contre l'islam, on dit on est contre la charia. Et il y en a parmi eux qui sont allés jusqu'à dire maintenant, oui on est contre l'islam. Il y en a qui ont osé aller jusqu'à à ce point de combat contre Allah SWT et son messager, et ils ont ouvertement apostasié et ils combattent ouvertement l'islam au nom des droits de l'homme et de l'égalité. Mais il y a des choses très importantes qu'on doit savoir. C'est qu'un des auteurs de la déclaration des droits et des libertés parmi les mécréants, pas juste un des auteurs, tous les auteurs des droits et des libertés, ainsi que leurs penseurs et leurs philosophes, Aucun d'entre eux ne croyait en l'égalité de l'homme et de la femme français. Aucun d'entre eux, parmi les philosophes français ou européens, aucun d'entre eux croyait à cette chose. Et s'ils vivaient aujourd'hui, ces gens-là, ils seraient morts de rire d'entendre le discours des féministes et des gens qui demandent l'égalité. Et la preuve de ce que je dis, c'est qu'en fait, lorsqu'ils ont écrit dans leur déclaration que tous les hommes naissent égaux en droit, c'est que lorsqu'ils ont écrit ça, eh bien, ils n'ont pas le droit de vote aux femmes. Alors, s'ils disent que tous les hommes naissent égaux et ils ne donnent pas le droit de vote aux femmes, alors, ils ne sont pas égaux. D'accord? Et même dans leurs écrits, ils ont mentionné même que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Yanni. Donc, il y a ça, et même aussi envers les Noirs, ils ont créé ça, c'est cette injustice-là. Ils disaient que tous les hommes naissent égaux, mais ils ne donnaient pas le droit de vote aux Noirs. Et ils ne donnaient pas le droit de vote aux Juifs, qui faisaient partie de leur pays, leur société depuis des siècles. C'est donc qu'ils devaient être moins que des humains, selon eux. Ils discutaient même à savoir si les femmes avaient une âme. Il y a la même chose pour les Noirs aussi. Ils discutaient, est-ce que les Noirs ont une âme? Alors que pour nous, les musulmans, cette réponse-là, elle est clairement expliquée dans le Coran. Allah SWT dit, خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. الله سبحانه وتعالى nous a créé d'une âme unique et de cette âme a créé nous quatre sont les plus bien. Donc on est tous d'une âme unique et donc ça veut dire que la femme et l'homme les deux ont une âme. Mais le fait que l'homme et que la femme ne soient pas égaux ne signifie pas qu'elles ne sont pas humaines. Ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas d'âme du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles soient humaines ou non. Et ça n'implique même pas une idée négative d'infériorité. Et le fait qu'on dise que l'homme n'est pas égal à la femme ou que la femme n'est pas égale à l'homme, ça n'implique même pas une idée négative d'infériorité. Pourquoi? Parce que si on réfléchit clairement, on va voir. L'égalité dont les mécréants parlent, c'est une égalité qui n'existe pas dans la réalité. C'est une égalité qui existe uniquement dans leur imagination, dans leur tête. Dans la réalité, dans la vie, elle n'existe pas cette égalité. Même entre les hommes, elle n'existe pas. Entre les gens du même sexe, les hommes et les hommes, il n'y en a pas deux qui sont égaux. Et les femmes, entre les femmes, il n'y en a pas deux femmes qui sont égales. Mais au plan des idées, eux disent une femme vaut un homme ou un homme vaut une femme. Ça, c'est dans leur tête. C'est dans leurs idées. Sinon, il n'y a pas d'égalité complète entre les hommes et les femmes, entre les fruits et les légumes, entre les animaux et les végétaux. Chaque chose différente, tu peux dire, est-ce que la pomme est égale à l'orange? Tu peux dire, oui, elles sont égales, la pomme est égale à l'orange parce que c'est du fruit. Les deux sont des fruits. Ok. Alhamdulillah, les deux sont des fruits, alors ils sont égaux. Mais est-ce qu'ils sont équivalents, c'est les deux, c'est la même chose? Non. Et est-ce que ça veut dire que l'orange est supérieur à la pomme? Non. Est-ce que ça veut dire que la pomme est supérieure à l'orange? Non. Mais les deux sont différents. Mais, c'est les deux des fruits. Les fruits, c'est la même chose. L'homme, c'est l'homme, et la femme, c'est la femme. Les deux sont différents. L'homme, il a ça, la femme, il a ça. Et donc, elles sont différentes, elles ne sont pas égales. L'homme n'est pas égal à la femme, la femme n'est pas égale à l'homme. Est-ce que ça veut dire que l'homme est meilleur ou supérieur à la femme? Est-ce que l'homme est supérieur et la femme est supérieure à l'homme? Ni l'un ni l'autre, les deux se complètent. Sauf que Allah SWT, il a donné à l'homme la responsabilité de s'occuper d'elle et de veiller à la protéger, c'est-à-dire de veiller à sa protection. L'homme est le gardien de la femme. Et donc, étant donné que c'est Allah qui a mis cette charge sur le dos de l'homme de veiller à la femme, alors c'est pour ça que la femme, elle lui doit le respect. Et elle doit aussi à Allah le respect, bien entendu, avant tout. Et aussi, l'homme doit veiller à la femme, il doit la respecter. Et donc, il est son chef. Allah a mis l'homme sur la terre comme chef sur la terre. Et ça n'a aucune implication d'infériorité ou d'injustice envers la femme. Tout ça pour nous faire comprendre que c'est absolument vrai que la femme n'est pas égale à l'homme. Et que c'est tout à fait normal aussi. dans l'islam, comme je viens d'expliquer, c'est l'homme qui est responsable de la femme, et c'est comme ça, même si ça ne plaît pas aux laïcs, et aux démocrates, ou à ces gens qui se disent un musulman, et qui rejettent ces versets de la charia. La femme musulmane, elle aussi, elle croit en ça, autant que l'homme. Elle ne croit pas en ça pour faire plaisir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner à un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Mais, on sait que dans l'islam, c'est interdit de se prosterner pour quelqu'un devant autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné cet exemple-là pour nous faire comprendre le droit que le mari a sur sa femme et le respect qu'elle lui doit. Et là, bien entendu, on parle toujours des cas où des musulmans qui respectent l'islam et qui suivent les règles de l'islam. Parce que les musulmans, beaucoup de musulmans ont été éduqués dans les pays musulmans dans l'ignorance de l'islam. Et les hommes et les femmes, les deux, subhanallah. Et lorsqu'ils vivent dans leur maison, ils vivent dans leur maison non selon les règles de l'islam, mais selon les règles de l'ignorance. Et à cause de cette ignorance, ils ont fait de l'injustice l'un envers l'autre. Et donc, pour réparer cette injustice, ils ont crié au droit de l'homme. Au lieu de retourner à la charia d'Allah. Au lieu de se soumettre à la révélation, ils sont allés crier au droit de l'homme. Et j'ai entendu dernièrement, il y avait une de ces femmes musulmanes islamistes féministes, qui se déclare féministe, qui essayait de dire on doit faire une relecture de la charia. Parce que, il y en a qui, par exemple, elle donnait comme exemple que certains voulaient forcer leur fille à se marier avec un homme, alors que ça c'est interdit dans l'islam. Mais ça c'est pas une relecture de l'islam. C'est déjà écrit dans les hadiths qu'une femme ne peut pas être forcée à marier quelqu'un qu'elle ne veut pas épouser. Donc, c'est en fait de revenir aux enseignements de l'islam et de les appliquer. C'est pas de relire ou de faire une relecture de la charia pour réinterpréter l'islam. C'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre dans le contexte que je parle. C'est sûr que dans les pays musulmans actuellement, il y a toutes sortes de formes d'injustice et d'ignorance qui sont appliquées aux hommes et aux femmes. Mais c'est pas à cause de l'islam. C'est à cause de l'ignorance des musulmans et de l'éloignement qu'ils ont vis-à-vis de l'islam. Mais tant qu'ils ne vont pas être éduqués, premièrement, aux principes de l'islam, et qu'ils ne vont pas être éduqués à appliquer l'islam dans leur goût, eh bien, c'est sûr que cette ignorance-là va continuer. Mais ce n'est pas aux musulmans de pouvoir aller demander aux droits de l'homme de remettre la justice entre eux. Ça va seulement créer le désordre et l'injustice dans les musulmans encore plus. Parce que les hommes vont transgresser les règles d'Allah et les femmes vont transgresser les règles d'Allah et tous les deux, ils vont s'égarer du droit chemin. Donc, c'est notre droit de croire en la charia, de croire en ces choses-là, même si on est musulman, si on est croyant, et même si ça dérange, si ça secoue les assises de votre démocratie, et même si ça menace vos soi-disant assises. La troisième citation de Fatima Ndapeta. Troisième citation de Fatima Ndapeta au sujet des intégristes islamistes fanatiques. Parce que il y a des groupes qui veulent s'approprier l'islam et ils veulent l'interpréter à leur façon et ils ont tendance à exclure tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Parce que l'islam est l'objet de beaucoup de convoitises de la part de certains groupes minoritaires mais agissants. C'est un agenda politique poussé par des groupes bien précis. Ce que vous notez là, ce sont font des efforts considérables pour s'intégrer. Mais malheureusement, ce travail, ces efforts ne sont pas vus parce qu'on voit toujours cette communauté à travers la lunette des intégristes, la lunette des fanatiques qui veulent imposer leur agenda. Alors, dans cette religion sans clergé, s'est établi un groupe minoritaire, mais agissant, qui sont des militants pour une cause qui est la leur, qui est davantage une cause politique. Ils ont un agenda avec des valeurs qu'ils veulent d'abord imposer à la communauté, et cette mouvance est en action depuis déjà un certain nombre d'années. Au début, ça a commencé comme un phénomène très très très marginal, mais de plus en plus, et à la faveur de l'actualité internationale et de ce que nous vivons aussi dans les autres contrées du monde, ces mouvements-là se sont consolidés, ils ont assis leur pouvoir, et ils sont, c'est un réseau international avec des ramifications, avec des appuis, avec une structure. Et d'ailleurs, lorsque cette revendication a été présentée en Ontario, les échos se sont fait entendre au Québec immédiatement. Et comme la vie dans les communautés musulmanes. Bien entendu, parce que les gens, ils ont les mêmes groupes, là. Donc, on a ce segment-là qui est agissant et qui est en marche pour imposer son agenda. Ils ont pris le contrôle d'un certain nombre d'espaces, notamment dans les mosquées. Mais dans une religion sans clergé, ces gens-là, et un certain nombre d'entre eux, se sont institués eux-mêmes autorités religieuses. Dans un bon nombre d'entre eux, ce sont des imams qui sont formés à l'étranger, dans des écoles les plus radicales, qui sont payés par l'étranger pour promouvoir au Canada ou au Québec un islam de l'étranger. Et c'est ça le danger qui nous guette. Subhanallah. Donc, yani, les intégrer, yani, un groupe, en fait, effectivement, on a entendu ce qu'il a dit, il parle d'un groupe de l'étranger, des musulmans de l'étranger. Yani. Subhanallah. On est tous de l'étranger en général, yani, ici au Canada. Donc, on ne sait pas exactement, c'est pas clair ce qu'il dit. Mais, yani, Fatima ou Dapépin, elle ne cesse de répéter ça. Ça, c'est pas maintenant qu'elle le répète. C'est très, très longtemps, j'avais des articles qu'elle avait fait avec la presse, dans le journal de la presse, en 1993, et elle disait ça aussi. Donc, c'est pas nouveau. Et la réalité, en toute apparence, d'après ce que j'ai observé, je pense qu'elle parle de certains groupes, musulmans, yani, qui ont fondé des partis politiques. Yani, et puis, en réalité, c'est des groupes qui ont dévié du Coran et de la Sunna. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils pensent pouvoir établir l'islam en participant à la démocratie. C'est-à-dire, yani, en établissant des partis, des groupes, en rentrant dans les élections, dans les pays musulmans, et en essayant de ramasser des sièges dans le Parlement, puis ensuite de faire voter des lois pour essayer d'appliquer des lois pour qu'ils soient en accord avec l'islam. C'est donc une voie qui est contraire à la sunna du prophète sallam. Il croit que yani, le but justifie les moyens. Donc si ton but c'est d'appliquer la charia, d'établir l'islam, donc tous les moyens sont bons pour y arriver, même si ces moyens-là sont contraires à l'islam. Ils ont vu comme par exemple... Ils ont fait des tentatives de ça en Égypte, ils ont fait des tentatives en Syrie, en Algérie et dans beaucoup d'autres pays, mais yani, ces activistes ont toujours échoué. Ils utilisent tous les moyens des non-musulmans, que les non-musulmans utilisent. Par exemple, les propagandes, les grèves, les manifestations, les élections, les coups d'État, les attentats, même yani, les terroristes ou la révolution. Donc, oui, c'est vrai que ces gens existent. Et parmi les musulmans, il y en a, c'est vrai. Sauf qu'elle, Fatima, elle les critique pas parce qu'ils sont en train de suivre une méthode qui est contraire au Coran et à la Sunna. Elle les critique uniquement parce qu'ils veulent le pouvoir, c'est ce qu'elle dit. Elle les critique uniquement parce qu'ils veulent le pouvoir de la communauté musulmane ou bien en général. Et si on dit par exemple que ces musulmans-là, ce groupe dont elle parle, c'est minoritaire et agissant parmi les musulmans, sont des intégristes parce qu'ils demandent l'application de la charia, alors il faut dire aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les tabi'in et tous les savants et les ulama de l'islam sont aussi des intégristes puisque eux aussi ont demandé l'application et ils l'ont appliqué. Alors comment vous allez dire? Vous allez dire que tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et tous les autres musulmans jusqu'à et tous les savants jusqu'à notre porte ont tous été désintégrés. Alors, donc si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on doit se faire désintégrer. Il n'y a pas de problème dans ce fait-là. Si elle dit ça, on doit logiquement en être un. Sauf qu'on sait très bien que, yani, ce terme-là, c'est un terme qui vient, non, qui vient pas des musulmans, qui vient pas de l'islam, c'est un terme que les non-musulmans ont utilisé pour qualifier les musulmans qui veulent revenir à l'islam et qui veulent appliquer l'islam. Voilà. Après, donc, je lui dis à elle, et toi, Fatima, est-ce que tu veux pas le pouvoir? Et tes amis les libéraux, dans le parti libéral, pourquoi ils rentrent à chaque fois dans les élections? Pour se faire élire, c'est pas pour avoir le pouvoir, ça? Hein? Alors, si tu veux pas le pouvoir, pourquoi te présenter aux élections? Et pourquoi devenir député? Et pourquoi on fait des élections? Et pourquoi le parti existe? Si c'est pas pour vouloir le pouvoir. Donc, si on les critique seulement pour parce qu'ils veulent le pouvoir, ça c'est un problème. Ou est-ce que quand un parti défend les fondements de la démocratie, il est valable, mais quand il s'oppose ou qu'il vient proposer un système différent, il est à rejeter? Alors dans ce cas-là, on va dire, où est-ce qu'elle est votre soi-disant ouverture d'esprit? Où est-ce qu'elle est votre soi-disant amour pour le dialogue et la tolérance? Allez. Ça c'est juste un exemple qu'on peut donner. Bien entendu, on sait très bien que c'est fondé sur un fondement qui est erroné à la base. Mais c'est juste pour argumenter avec eux dans ce sens, pour voir est-ce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de leurs principes. Hein. Une autre preuve que vos principes ne tiennent pas debout, c'est parce que de plus en plus, ça devient un dogme. C'est-à-dire d'être démocrate ou de croire aux droits de l'homme, ça devient de plus en plus comme un dogme. Si tu veux discuter avec eux, le simple fait de mentionner les droits de l'homme, de mentionner la démocratie, c'est comme une preuve en elle-même. C'est-à-dire, c'est plus quelque chose qu'on a besoin de prouver, de justifier, c'est quelque chose qui est une preuve en lui-même. Et pour eux, c'est comme une donne, comme une vérité absolue que personne ne peut remettre en question. Et qui est au-dessus des religions, au-dessus de Dieu, au-dessus de tout. Donc ça, en réalité, c'est ce qui prouve que, qu'est-ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils suivent, là, c'est une forme de déviation. Et Fatima, elle aime dire que c'est une minorité. Elle insiste beaucoup sur le fait que ces gens-là sont une minorité. Alors, pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a toujours blâmé la majorité. Et il a toujours glorifié la minorité. C'est juste pour vous donner des exemples. Allah dit, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. La plupart des gens ne savent pas. وقليل من عباد الشكور. Peu d'entre nos serviteurs sont reconnaissants. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et si tu obéis à la majorité des gens sur la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. On va s'arrêter pour l'adhan.